Nouvelle scène nationale, l'émission. Génération 1. Cette nouvelle saison 2018-2019 à la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise est proposée avec des temps forts. Génération, c'est le temps fort qui sera proposé à trois périodes de cette saison 2018-2019 avec une intention toute particulière pour toucher en effet toutes les générations, y compris les plus jeunes. Et justement, c'est une programmation qui a été conçue pour et avec. On va commencer d'abord par le spectacle qui va être proposé par Bruno Sabini concernant, on va dire, un partenariat d'abord qui a été noué à cette occasion avec la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. Il s'agit d'abord de Panda Dub, mais avant de parler de l'artiste, peut-être dire quelques mots sur ce partenariat, Bruno Sabini. Ce partenariat, il est né en fait d'une double envie qui est celle de la scène nationale de mettre en place ces rendez-vous génération et puis une envie de ma part aussi de trouver des partenaires pour cette période dehors les murs puisque l'observatoire est en travaux actuellement pour réhabilitation et reconstruction d'un équipement qui sera entièrement dédié à la musique sur la ville de Cergy. Et du coup, nous sommes dehors pour quelques temps, donc hébergés essentiellement à Visage du Monde mais aussi à l'université. Et du coup, à l'occasion de ce premier partenariat avec la scène nationale au Théâtre 95. On va parler du concert de Panda Dub sur Cergy Pontoise à l'occasion de ce temps fort Génération. Alors pour ceux qui ne sont pas encore connaisseurs du dub, comment parler en quelques mots de cette culture, car c'est une culture à part entière. Oui, le dub il est issu du reggae essentiellement, puisque c'est une version... je dirais trafiqué à travers des consoles d'effets et diverses machines du reggae d'origine. Les ingénieurs du son jamaïcains se sont emparés des instrumentaux pour les déformer et pour poser des voix dessus sans avoir recours aux groupes traditionnels, en ralentissant les rythmes, en mettant des effets de réverb, en travaillant beaucoup le son, ce qui a donné la naissance du dub. Donc le dub qui était une musique très jamaïcaine à l'origine et qui a été depuis énormément reprise, retravaillée, notamment avec la nouvelle génération des machines numériques. Et aujourd'hui on a un vrai style dans le style puisque le dub est très varié, aussi bien roots que très électro, très déstructuré, voilà. Et Panda Dub fait partie de cette approche électronique du dub. L'un des talents d'ailleurs les plus brillants cités de la scène dub française, à l'instar de la French Touch, comme on dit souvent en parlant d'autres musiques, je pense effectivement au jazz pour une musique que j'aime particulièrement, eh bien il existe également une French Dub, c'est bien ça ? Oui, il y a une scène dub française qui est assez ancienne maintenant, puisqu'on a des groupes comme Zenzile, comme Hightone, qui ont vraiment été des précurseurs de ce style après la Jamaïque et qui ont marqué leur empreinte sur ce style. Avec un spectacle, un nouveau show qui a pour titre Circle Live, ça sera à découvrir le jeudi 8 novembre. Il est dit à ce propos, il s'agit d'un live visuel qui nous transportera dans des sphères sonores, l'énergie circule en cercle sans fin. Donc on va rester un instant sur notre fin, c'est-à-dire prenons rendez-vous d'ores et déjà pour le jeudi 8 novembre avec une première partie à l'occasion de ce concert, un groupe qui a pour nom Mahom. Mahom Dub. Oui, un jeune groupe de dub que j'ai accueilli sur la 33 Tour il y a quelques temps et qui m'avait fait une très bonne impression et qui est tout à fait raccord avec l'esprit de cette soirée Génération puisque c'est un public très jeune qui suit ce groupe. Alors j'ai vu que ce jeune groupe a quand même déjà à l'actif 4 albums, 9 vinyles, ce qui fait partie intégrante de la culture dub. Ai-je lu au passage comme quoi le retour du vinyle, eh bien ça se célèbre sous cette forme-là. Exact. Prenons rendez-vous le jeudi 8 novembre, 21h. Ça se déroulera au Théâtre 95 à Cergy, Grand Centre. Ça sera concert debout. Oui, du dub assis, c'est un peu compliqué. Mais c'est mieux de le dire. Voilà. Parce que, hein voilà, donc pour ceux qui souhaiteraient découvrir ce style sans en avoir l'habitude, il faut être prêt à rester un petit moment debout et voir à danser, ce qui est encore mieux. C'est une première collaboration entre la Nouvelle Scène Nationale et l'Observatoire. Premier concert électro de l'histoire de la scène nationale. Feriel, c'est une manière d'innover à l'occasion de cette nouvelle saison. Un mot à ce propos. C'est premier concert, pas le dernier. Alors, innover, je sais pas. Il se trouve que je n'y connais rien en électro, mais j'adore ça, j'ose le dire. Et que du coup, oui, l'idée de Génération, c'était quand même de conquérir les jeunes pas seulement en temps scolaire, ce qui a été beaucoup fait à l'apostrophe, et je rends hommage à mon prédécesseur à ce sujet, mais sur leur temps libre. Et c'est vrai qu'il faut partir de leurs intérêts, et la musique électro, le dub aujourd'hui, fait partie des intérêts des jeunes et des moins jeunes. Et donc du coup, oui, je suis hyper contente de ce concert, et ça fait le lien, il est temps d'en parler, avec les autres spectacles. L'électro, elle est aussi présente dans Crowd de Gisèle Vienne, qui est un spectacle sublime, qui n'est rien d'autre qu'une rave, et je l'ai vu le 8 décembre dernier, un peu par hasard, parce que j'allais voir un autre spectacle à Nanterre, et je suis rentrée dans un spectacle de danse contemporaine, d'une marionnettiste, chorégraphe, performeuse absolument éblouissante, et nous rentrions dans une rave avec tout ce qu'elle comporte de joie, de fête, mais aussi de tristesse, et l'électro est aussi au cœur de ce bijou formel qui est celui de Gisèle Vienne, où on vit une rave un peu comme si on était dans un film au ralenti. Et donc c'est une expérience incroyable, et moi, ce que j'ai envie de faire avec ces temps génération, c'est que ceux qui aiment Panda Dub et le dub aient aussi envie de venir voir Gisèle Vienne. C'est ça mon boulot, c'est ça le cœur peut-être de ce qui fait ces générations. Ils sont composés toujours d'un concert, de deux spectacles, et l'idée c'est qu'ils fassent un parcours et qu'ils s'ouvrent. Là, le fil, c'est en effet l'électro. Électro, danse, justement, ça permet aussi d'élargir le public qui serait un peu enfermé côté musique électronique. Ça lui donne l'envie, le désir de découvrir, juste parce que tout le monde n'est pas encore initié à la rêve partie, pardon, Feriel Bakoury. Forme de douce transe hallucinatoire, une traversée qui s'inspire des fêtes et des rites, car effectivement, c'est presque codé tout ça. Aspect jubilatoire, exutoire et même émancipateur d'émotions collectives. C'est ça que ça produit la rêve. Ouais, alors attention, moi je suis jamais allée dans une rêve de ma vie, je pense que j'irai probablement jamais. Pour vous dire, je suis pas initiée, mais Gisèle Vienne, c'est par ailleurs une artiste qui est venue auparavant à la scène nationale et qui a été programmée. Là, il se trouve qu'elle parle d'une rêve et je le rentre dans un temps jeune. Mais ce spectacle, je veux dire, s'il me donne envie de faire venir les jeunes, est tout à fait ouvert à tous les publics parce que, en effet, ce que tu viens de décrire et raconter du spectacle, ça nous parle à tous. La question du rituel, de la fête, etc., en dehors de la rêve. C'est beaucoup plus large que la question de la rêve, même si elle prend cette ambiance-là et cette atmosphère-là, de façon incroyable. Univers fantasmatique au rendez-vous. Gisèle Vienne a déjà été accueillie à la scène nationale en février 2013 dans le cadre de Périphérique Festival des Arts Mêlés. C'est un spectacle qui, par ailleurs, est présenté dans le cadre d'Escaldance. Juste un mot rapide, ouais. Escaldance, c'est... C'est un réseau très important, pour le coup, mis en place grandement par Jean-Joël Chaplin et l'ancienne directrice du théâtre de Beson, avec tout un tas de partenaires du Val-d'Oise avec qui on travaille très bien. C'est un réseau qui va continuer à vivre, et non seulement continuer à vivre, mais se développer en scène conventionnée. Nous y travaillons encore avec Jasmine hier, puisqu'il s'agit finalement à la fois de créer un réseau de programmateurs ensemble et en même temps un réseau de diffusion pour les artistes ancrés dans le territoire, de manière à offrir de la danse contemporaine ou de la danse sous toutes ses formes à tous les endroits du département. Ça décoiffe assurément avec Crowd, vendredi 9 novembre prochain, 20h30, au Théâtre des Louvrets à Pontoise. On poursuit la programmation de ce premier volet de Génération avec un rappeur qui répond au nom de Da Vodka. Concert de rap qui aura lieu le 9 novembre également, à 20h30, cette fois-ci au Forum de Vauréal. Il prône un rap indépendant, c'est un amoureux des mots et de la musique, et il fait la part belle au sens. C'est un concert qui est aussi dans le cadre d'un partenariat qui se noue entre la scène nationale et le Forum de Vauréal. Un mot à ce propos ? Oui, je ne connais pas Da Vodka dans le détail, mais je fais confiance à mes partenaires, à Bruno comme à Aurélie maintenant. Et c'est vrai que c'est Aurélie et à l'époque Hervé qui m'ont proposé ce concert dans le cadre de ce premier temps jeune. Et donc je l'ai accepté parce que c'est ça, j'ai eu la co-expertise de programmation. C'est noté le 9 novembre prochain au Forum de Vauréal, je le précise, avec à suivre là, pareil, une rencontre qui va être pour le coup innovante également à la scène nationale. Toda Bonne de la danse Jumpstyle, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, le collectif La Horde est un des collectifs qui, j'allais dire, a un succès les plus importants dans le monde aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils font cette, on peut l'appeler danse, contre-culture, Jumpstyle, qui est plutôt en extérieur qu'en salle. Et là, ils ont fait un spectacle, Toda Bonne, qui rassemble tout un tas de danseurs européens qui se contactent entre eux par les réseaux sociaux pour faire cette danse, cette performance, je dirais plutôt, le Jumpstyle, qui a un succès absolument fou. Ils ont aussi beaucoup d'autres ateliers autour d'actions dont Jasmine vous parlera. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment immanquable parce que ça plaît à toutes les générations. Ils réunissent les jeunes et les moins jeunes parce qu'ils ont inventé un style de danse et de spectacle qui est tout à fait à part et singulier. apparu dans les années 90, d'un genre de musique électronique. Effectivement, c'est le prolongement aussi des conversations qu'on avait déjà dans cette émission. C'est de la danse post-internet. Autrement dit, c'est né d'abord sur YouTube, une forme effectivement de vidéo de courte durée. Le principe, c'est très intense, très physique pour les danseurs. Une séquence de jump style dure en moyenne 25 secondes. Là, je crois qu'à l'occasion de ce spectacle, le 10 novembre prochain et le 11 novembre prochain, au Théâtre 95 à Cergy-Concentre, ces séquences pourront aller jusqu'à 10 minutes. On imagine ce que ça va être en énergie et en densité, une énergie folle et contagieuse qui sonne comme une révolte intime d'une certaine jeunesse.